undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Undercover, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Undercover. Le secret qui m'habite est invisible aux yeux de l'homme. Pourtant on le partage, il a pris place au sein de l'homme. Depuis des décennies, son trône est établi. Je ne veux pas être de ceux qui créent l'ignominie. 5 fois par jour je me cache pour lui parler de mes ennuis. Notre relation est intime, il m'écoute sans rien dire. Il agit plus tard, tout ça undercover. Et moi je le remercie encore undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Undercover. Undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Ayava, yava, yava, yava, undercover. Undercover. Undercover. J'emprunte son chemin quand il me guide. Ses voix sont impénétrables. Elle reste undercover. À vie je serai son ami. C'est le pas qu'on a passé, qu'on s'est promis. Sa spiritualité fait monter mon esprit jusqu'à higher level. Quand je lui cause, je baisse mes mots. Sans